Flocon. Je le regarde se refuser. Refuser la chaleur. Tenir. Encore un peu. Croire que le vent, encore, pourra rendre service. Il ne veut pas s'unir dans le creux de ma main.